Lâchez les watts. Psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzek. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. Petite sortie dans l'Ain aujourd'hui. Alors j'ai pas fini, hein, mais je crois qu'on est déjà à près de 60 bornes, donc c'est quand même pas mal. Mais j'ai pas tellement kiffé ce parcours en fait, parce que ce que l'appli m'a proposé, alors j'utilise une appli, c'est Komoot, un truc comme ça, Komoot, pour les pistes à vélo, les voyages à vélo, ça enregistre les trajets et tout, c'est plutôt sympa. Mais en termes de chemin proposé, c'est pas terrible, terrible. Et j'ai fait énormément de routes en fait. Du coup, c'était pas forcément très très agréable. Là, ça va, je commence à rejoindre les bords de Saône une nouvelle fois. Et c'est plutôt sympa. Même si, quand même, j'ai vu des trucs plutôt jolis. Il y a eu des châteaux, il y a eu des champs de tournesol, même une rencontre avec un petit chevreuil dans un champ. Voilà, quand je faisais ma petite pause déjeuner. Ce qui était plutôt agréable. On a découvert le château de Montelier, qui est toujours occupé d'ailleurs apparemment, château du XIIIe siècle, qui, d'après le nom qui est sur la boîte aux lettres, est occupé aujourd'hui par Richard de Montelier. Voilà, vous le saurez si vous voulez lui écrire. Alors j'ai pas l'adresse. Mais vraisemblablement descendant de la famille qui lui a donné le nom à cet endroit, quoi. XIIIe siècle, c'était assez bien entretenu. Assez présent, château rouge. Alors avec tout le bois vert qui était autour, c'était assez joli. Bon voilà. Moi je me suis dit que finalement il fallait peut-être quand même parler pendant ces entraînements des raisons de ce voyage aussi, parce que c'est pas tout de partir et de dire allez je vais à l'aventure, c'est pourquoi on va à l'aventure. Et j'avais dit dans l'épisode précédent que justement j'avais pas tellement fait d'aventure. En tout cas, je considère que toutes les histoires que je peux raconter, tous les achievements, c'est un peu que du parcours professionnel, et il y en a un peu tout le temps que pour le taf. Et au bout d'un moment, le taf, tu commences à en avoir plein le cul, même si c'est un truc que tu fais, que tu kiffes, quoi. À la base, vraiment, en tout cas, moi je fais des jeux vidéo, c'est pas dégueulasse. C'est quand même plutôt sympa. Mais, dans des boîtes où il y a des problèmes, hein. Si vous avez suivi l'actualité récente cet été, il y a eu énormément de contestations, de call-out, de harcèlement moral et surtout de harcèlement sexuel. Faut pas croire, dans tous les autres studios, il y a des choses comme ça qui sont présentes. Tout ça, c'est des histoires. Je vous invite à aller voir les articles qui sont parus sur Libé, sur Numérama. Il y a de très bonnes enquêtes là-dessus, j'espère que ça va continuer et j'espère que ça va se propager à d'autres boîtes. Néanmoins, toi, t'as beau faire du taf, ça a beau être un taf sympa, tu travailles toujours avec des cons, ça, il y en a, c'est sûr, mais au bout d'un moment, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, et surtout dans des contextes aujourd'hui, voilà, la fin du monde, je rigole à moitié, tu vois, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire. Qu'est-ce que je peux raconter? Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, je raconte tout le temps les trucs de taf, quoi. Toi, tu fais des jeux, t'as fait des trucs, t'as eu des prix, t'as eu des machins, t'as travaillé pour ci, t'as travaillé pour ça, t'as travaillé sur ça, t'es fier de ci, t'es fier de ça. Mais c'est que du taf. J'ai envie d'une histoire. Déjà, j'ai envie de vivre des trucs différents du taf. Et ça, c'est quand même bien. Ça fait du bien de rencontrer des gens en dehors du taf, parce qu'aujourd'hui, mon cercle d'amis, bien que je les adore, c'est des amis qui sont rencontrés à travers le travail, en tout cas à travers le jeu vidéo. Donc il y a aussi besoin de prendre de l'air par rapport à ça. Même si j'ai envie de les voir, faut pas croire, attention. Au contraire, passer plus de temps avec eux. Mais voilà, de faire aussi de ces nouvelles rencontres. Et puis de pouvoir dire, toi, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter aux gens? Toi, tout le temps raconter, tu fais du jeu vidéo. En fait, il y a des gens qui s'en battent la race, mais complètement. Qui se fichent complètement de savoir ces trucs-là, qui n'en ont rien à foutre du jeu vidéo, et c'est arrivé souvent dans des covoites d'ailleurs, dans des covoiturages, où tu racontes ça, il y a toujours deux réactions. Soit les gens disent, mais c'est incroyable, c'est un super boulot et tout. Tiens, je vais m'arrêter là. petit banc au bord de la Saône, pas désagréable. Ah, vous avez tous les bruits qui vont avec. Hein. Ah, bah, y a une vieille qui se baigne là-bas, tiens. Ah, parfait. Ah, puis tu te dis, au bout d'un moment, moi, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, c'est ça, cette autre chose, c'est ce voyage à vélo. Parce que j'ai pas envie de le faire en voiture, même si effectivement en voiture c'est pas mal, ça te permet d'aller voir plus de choses, tu vas plus loin, tu peux te permettre énormément de détours, mais bah déjà c'est pas le même coût, hein. Faut louer la bagnole ou alors faut lâcher, t'as l'essence, l'entretien, l'assurance, au bout d'un moment ça commence à faire, et puis c'est pas très très écolo, hein. Et j'ai envie aussi de marquer ce voyage à vélo comme pas un tournant, parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais vraiment attention à mes consommations, etc. Mais ouais, comme marquer le coup de dire, eh ben voilà, c'est ce voyage marque le passage peut-être dans une nouvelle ère, en fait. Une nouvelle ère, soit de consommation, soit de vie, de style de vie, de mode de vie, peut-être de travail aussi. Ça fait déjà un moment que je pense, toi, au freelance, à l'éducation, toi, passer plus de temps là-dessus, c'est une vraie envie, de manière à me déplacer moins, ou me déplacer peut-être moins loin. Ou si je me déplace loin, je me déplace plus longtemps, avec des moyens de transport qui sont moins polluants. Ou en tout cas, tu vois, si tu vas faire un voyage en Chine ou aux Philippines, au lieu de partir 2 semaines ou 3 semaines, tu pars 1 mois et demi, 2 mois, et comme ça, l'amortissement du coût de l'émission en CO2 est quand même... C'est moins pire, comme on dit, hein, c'est moins pire. Ah bah tiens, elle s'est mise sur un bateau et elle s'est couchée. D'ailleurs, je sais jamais si je dois vous tutoyer ou si je dois vous voyez. Pas l'habitude, j'ai pas le réflexe de tutoyer les gens que je connais pas au premier abord. C'est un truc sur lequel je travaille, ça commence à arriver. Ça dépend vraiment des contextes. C'est comme quand je dis « nous » alors que je dis « je », hein. Est-ce que c'est de l'ego ? Non, c'est juste que j'ai envie un peu de vous inclure. J'ai toujours du mal à dire « je » quand je raconte des bêtises comme ça. Ah, on est pas mal, là. On est aussi le bord de la Saône. C'est pas désagréable. Ah oui, une chose aussi, c'est que... Voilà, je viens de faire 60 km, à peu près, peut-être un peu plus. L'autre jour, j'en ai fait 40. Je vous avoue que la selle du vélo, elle va falloir la changer. Hein. Là, j'ai mal au sif. Mais alors, ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal au sif comme ça. J'aurais peut-être dû garder la selle du vélo précédent. Enfin, ça m'aurait embêté de vendre un vélo sans selle. Il y a ce truc assez incroyable que je découvre. C'est que les cyclistes, alors quels qu'ils soient, alors plus les cyclistes, quand même, plus les cyclistes qui ressemblent un peu à des mecs un peu vénères. Tu vois, ils ont la combi, ils ont les gros vélos. Toi, les mecs un peu comme ça, sur la route ou sur les sentiers, c'est comme sur les sentiers de randonnée à pied. Tu sais, on se regarde et puis on se dit bonjour. C'est-à-dire que même sur la route, tu te regardes et tu te dis bonjour. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça fabuleux, ça me fait rire à chaque fois.